soirée qui tourne mal, ou bien chez soi, une petite balade, inspire un chemin de croix, seul discrète et délicate, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Cette petite balade, non loin de là, n'était pas sans bousculade, et malgré moi, des mots me vinrent, des injures, j'aperçois des sarrasins. Fatigué par habitude, je continue sur mes pas. Mais ils m'ont suivi perfide, rattrapant mes pas. Je cours à vive allure vers le delà. Je les revois hypocrites, politiques et faux combats, m'expliquant par des dédain pur que cette violence n'existe pas. Si l'on avait évité ça, si l'on avait écouté nos voix, une petite balade, un retour à la maison, pour ces hommes qui nous condamnent, un juste retour du bâton. Une petite prière, la la la la, ne protège pas nos mères de leur victoire. Et même un bouquet de roses, un dessin dans l'autre main, ne ramènerait pas nos morts, ne protégerait pas les prochains. Si l'on avait évité ça, si l'on avait écouté nos